La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce n'est que partie remise, semble-t-il, et l'année prochaine, à la même époque, l'écrivain Maurice Genevoix devrait entrer au Panthéon. Cela aurait déjà dû être le cas cette année, lundi prochain, 11 novembre exactement, mais la présidence de la République a finalement différé cette reconnaissance nationale à l'auteur de ceux de 14, ce qui ne nous empêche pas de revenir dès à présent sur la figure de cet homme qui a été un écrivain avant d'être érigé en symbole. Nous y reviendrons jeudi avec son petit-fils, Julien Larère-Genevoix, qui a pris en charge la mémoire de son grand-père à la suite de sa mère et de son beau-père, Sylvie Genevoix et Bernard Maris, tous deux disparus prématurément. Nous serons également ce même jour avec Anne-Marie Royer-Pantin pour parler de Genevoix et la peinture. La veille mercredi, l'écologue et naturaliste Jacques Tassin évoquera l'écrivain dans son rapport à la nature, tandis que demain c'est du soldat de 14, de l'auteur de l'un des grands témoignages sur le quotidien des tranchées dont nous parlera Michel Bernard. Et aujourd'hui ? Pour raconter la vie de Maurice Genevoix, nous sommes en compagnie d'Aurélie Luneau, historienne de formation et même historienne de la radio, depuis sa thèse sur Radio Londres, publiée chez Perrin en 2010. Elle est aussi une voix bien connue des auditeurs de France Culture avec le magazine de l'environnement De Cause à Effet, diffusé tous les dimanches après-midi à 16h. Et elle est enfin, en ce qui nous concerne aujourd'hui, l'autrice de la première biographie de Maurice Genevoix, signée avec Jacques Tassin et qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Une vie dont la guerre de 14 constitue évidemment le terrible point de fixation. Si j'examine enfin l'homme que je pouvais être à l'époque, j'adorais la vie, j'étais vraiment, je crois, très intensément vivant. Et j'ai eu tout à fait le sentiment, d'abord, que c'était monstrueusement idiot et que, de toute façon, on y était, par conséquent, faire de mon mieux, faire comme tout le monde, puisqu'il n'y avait pas de question. L'individu disparaissait, c'était déjà révélateur, vous le comprenez. Et alors, pour le reste, je ne suis pas parti en chantant, je vous prie de le croire, mais je suis parti calmement, je crois aussi, je suis parti avec une appréhension énorme, avec surtout le regret d'avance de ce qui aurait pu m'arriver si j'avais continué à vivre, mais déjà le sentiment que ma vie même était en question, que ça pouvait très bien arriver, que je sois descendu, que je meure. Alors ça, c'est une chose qui m'a déjà marqué, avant d'avoir vécu. Genevoix interrogé en 1971 par Nicole Strauss. Bonjour Aurélie Luneau. Bonjour Mathieu. Toute la vie de Maurice Genevoix est donc à interroger à partir du traumatisme qu'il a vécu dans les tranchées, dont il a témoigné dans ceux de 14. Un livre de 950 pages qui est un témoignage, mais où, paradoxalement, il parle finalement peu de lui, et c'est un retrait relatif qui en dit peut-être beaucoup au fond sur l'homme qu'il était. Et on l'entendait à l'instant, c'est vrai, quand il dit « on y était dans l'horreur de la guerre » et on sent bien que dans cette horreur de la guerre, il s'est accroché à la vie aussi. C'est peut-être paradoxal, mais tout au long de sa vie, Maurice Genevoix va puiser dans la mort, cette mort qu'il va rencontrer tout jeune dans son enfance, il va puiser dans la mort un sursaut de vie, et quand il sortira de ce traumatisme, hein, parce que c'en est un, bien évidemment, les tranchées, la perte de ses camarades autour de lui, Il n'aura de cesse, en tant que survivant, c'est comme cela qu'il va se définir, en tant que survivant, il n'aura de cesse de témoigner de la mémoire de ceux qui sont tombés et puis de s'accrocher à la vie. Alors il va quand même parler un petit peu de lui dans son dernier récit. L'année de sa mort, il publie 30 000 jours. C'est en 1980. Il est alors âgé de 90 ans. Il se dévoile un petit peu là peut-être davantage. C'est ça. Il va attendre la fin de sa vie en fait, les dernières années, les 10 dernières années pour témoigner. En tout cas, c'est pas tant témoigner de sa vie. Il éprouve le besoin de se retourner. Parce que jusque-là, il disait souvent que sur le chemin qu'il empruntait, c'était un jeune homme, il avait 24 ans quand même, hein, quand il sort de cette guerre. Et derrière lui, quand il se retourne, il ne voit que des fantômes. Alors qu'à cet âge-là, les camarades sont censés vous accompagner pour la vie. Et donc, au-delà de l'œuvre qu'il va commettre, et c'est vrai que c'est une œuvre énorme, hein, 56 livres quand même, des romans, il y a ceux de 14 qui témoignent à hauteur d'homme et qui témoigne des autres, c'est vrai, il ne dit pas « je », mais le « je » est là entre les lignes. Et puis, vers la fin de sa vie, il y a 3 livres quand même. Il y a « La perpétuité », où là, il revient aussi sur l'époque du secrétariat perpétuel. Il est secrétaire perpétuel de l'Académie française. Il y aura aussi « Un jour », et puis « 30 000 jours », qui effectivement est sa biographie de ça, on peut dire. Mais est-ce qu'on ne peut pas quand même garder à l'idée, en commençant cette semaine sur Genevoix, que finalement c'est une vie qui est vraiment tournée vers les autres. Vous disiez à l'instant que finalement quand il se retourne, ce sont les spectres qui apparaissent. Et lui, on a l'impression qu'il a eu toute sa vie soif de rencontre et que c'est pour ça qu'au fond, il a été le meilleur des témoins, parce qu'il a été celui qui s'est d'abord intéressé à raconter la vie des autres. Il s'intéresse aux autres tout petits. Et c'est vrai que c'est un humaniste, hein, et qui, en permanence, écrit à hauteur des autres. Donc il s'intéresse aux autres, il aime les gens. Et on ressent cet humanisme tout au long de son œuvre. Et il vit, en fait, il naît à Decizes, dans la Nièvre, en novembre 1890. Il est mort en 1980, il a 90 ans. Et donc, c'est dans cette... Donc, de la Nièvre, il part dans l'Orléanais. Et à Châteauneuf-sur-Loire, il va vivre ses années d'enfance dans cette petite ville, en tout cas, où il y a tous les corps de métier. Et il va se nourrir de tous ces corps de métier. Ah bah écoutez, justement. J'ai été un enfant, j'allais dire comme tous les enfants, bien sûr, mais c'est déjà, comment dire, très outrecuidant de dire qu'on a été un enfant comme tous les enfants. En réalité, si vous voulez me situer, alors, au point de vue, du point de vue qui vous intéresse et qui nous intéresse devant ce micro, eh bien, je crois que j'ai eu un privilège, c'est de naître, il y a longtemps, je n'ai pas besoin de le rappeler après vous, dans un bourg, et dans un bourg rural, dans un temps où les différenciations étaient vraiment extraordinaires, à la fois dans leur clivage, dans leur nuance et dans leur intensité. Alors j'ai été à l'école maternelle, qu'on appelait l'asile, avec des moutards qui étaient fils d'artisans, de boutiquiers, de vignerons, de taillandiers, enfin j'ai connu tous les métiers, et je crois que pour un futur romancier, c'est déjà un grand privilège d'avoir assisté comme à des spectacles tout naturels, des spectacles vivants, des spectacles humains, à par exemple au cerclage d'une roue de fardier ou au façonnement d'un fer rouge sous le marteau d'un maréchal ferrant. Alors on a dit, Aurélie Luneau, que les autres, c'est un déterminant de la vie de Maurice Genevoix. On va voir tout au long de la semaine et aussi dans cette émission que la guerre, évidemment, a toujours été le point de fixation principal. Mais c'est aussi l'enfance. Et c'est une enfance que vous décrivez comme étant une enfance heureuse. Oui, une enfance heureuse. Il est issu de la petite bourgeoisie provinciale. Il se nourrit de la vie de cette bourgade. Donc, sa mère, son père l'entourent. Il a un petit frère aussi de plus jeune de 2 ans. Et puis, dans cet univers-là, donc ses parents gèrent un magasin en fait qui appartient à son grand-père maternel. Et ce grand magasin, c'est le monde du négoce et puis le monde aussi des métiers. Donc, il se nourrit à la fois de tout cet univers professionnel et familial. Il observe énormément. Exactement. Et il, en fait, c'est un enfant qui a tous ses sens en éveil. Donc, il observe, il sait regarder, il sait voir, il sait entendre, écouter. Et tout ce dont il va s'imprégner dans cette enfance, on va le retrouver, restitué dans ses romans au fil de sa vie. À 12 ans, tout est joué, pour reprendre une maxime qui était chère à Peggy, à Proust et à Delacroix. Et c'est vrai que lui-même va expliquer que durant sa plus tendre enfance, c'est là qu'il va trouver le matériau de presque toute sa littérature. Et aussi cette mort, en fait, cette mort, il ne l'a pas vécue uniquement sur les champs de bataille. Il a commencé à sentir la mort quand il était jeune, à 8 ans en fait. Il joue avec un camarade et puis il décide, en fanfaron, de sauter du haut magasin, donc, du magasin. Et il se casse une jambe, le fémur. Et donc après avoir été plâtré, on décide de redonner un peu vigueur à ce membre en le plongeant dans du sang de bœuf. Et c'est devant lui qu'on va tuer cet animal, et il va garder ça en mémoire toute sa vie, la mort de cet animal juste pour sa jambe. Et puis à 12 ans il perd sa mère, sa mère qui donc était enceinte et qui meurt d'une éclampsie donc en couche, et qui du coup voilà, à 12 ans c'est un orphelin de mère. Il faut savoir que sa mère a été vraiment celle qui à ses côtés l'a complètement ouvert à la Loire, au paysage, au sensible. Et là où son père était plus l'homme de la maison, affairé, et n'avait pas cette dimension sentimentale. Et c'est d'ailleurs dans les bras de sa mère qu'il va valer, comme il le dit si bien, de Châteauneuf-sur-Loire. De Decize à Châteauneuf-sur-Loire. Ça veut dire quoi, valer, alors? Valer, ça veut dire partir, remonter finalement le fleuve, et puis et c'est se transporter, en fait. Donc c'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est que là, vous mettez le doigt, Mathieu, sur les mots. Il a une langue aussi, Maurice Genevoix. C'est une langue d'une époque, mais quand on le lit aujourd'hui, c'est une langue qui passe, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, qui passe avec facilité, et surtout c'est une langue qui est très très imagée. C'est une langue aussi de la promenade, parce que l'enfance de Maurice Genevoix, c'est justement valer tout au long de la Loire et se promener beaucoup. Et puis c'est se promener aussi pour aller à l'école, c'est emprunter ce petit chemin dont il parle régulièrement pour aller, c'est le chemin, les petits sentiers, c'est la petite école, on appelait ça l'asile à l'époque, voilà. Ouais. Et ensuite la grande école. Donc c'est vrai, il déambule, mais c'est aussi une époque où on déambulait beaucoup, on se promenait beaucoup, on s'emparait des paysages, de la forêt, il pêche, il est intronisé aussi à la chasse par son père et un oncle, mais sans vraiment toucher à un fusil, sauf un peu plus tard avec un camarade. Mais c'est vraiment cet homme qui, gamin, est au plus près de la nature. Mais, et pour cause, on est quand même à la fin du 19e siècle et puis dans ses premières années du 20e. Et oui, la nature est encore là auprès des hommes. Alors, il sera peut-être dégoûté par la technologie, évidemment, à cause de la Première Guerre mondiale. Mais en 1900, comme toute bonne famille bourgeoise qui se respecte à l'époque, on va quand même à l'exposition universelle. Il n'y a pas que la campagne quand même avec Maurice Genevoix. Il y a aussi les yeux grands ouverts sur ce qui se fait de nouveau à l'époque. Oui, et donc cette exposition universelle qui va marquer un temps dans son parcours, parce que il y emmène là, enfin en tout cas pour la première fois, selon nos recherches, un petit carnet, et il n'aura de cesse de noter dans ce petit carnet tout au long de sa vie ses impressions, ses intuitions, ses idées. Et c'est comme ça aussi qu'il rédigera ses romans. Mmh. C'est en prenant d'abord des notes, et il l'a fait effectivement alors qu'il avait une dizaine d'années. Il l'a fait à l'occasion de cette exposition universel à Paris. C'était un bon élève. C'était un bon élève, mais c'était aussi un élève dissipé. Donc il avait du mal à se concentrer. Finalement, il se concentrait en classe, mais parfois il regardait par la fenêtre et il se laissait aller au gré du vent, des arbres et puis des oiseaux qui passaient. Mais c'est un élève qui a quand même subi aussi l'internat et qui a vécu un internat assez difficile, travaillant, se levant tôt. Et puis les conditions de l'internat de l'époque. Exactement. Et ces moments justement où il pouvait s'échapper, c'était soit ces moments un petit peu de pensée, de rêverie, soit la nature. Et puis il y a donc justement l'épisode terrible de la perte de sa mère, sur laquelle on revient. Il y revenait lui-même dans son récit 30 000 jours, lui ici, par Éric Legrand. J'avais 12 ans et quelques mois lorsque j'ai perdu ma mère. J'en ai souffert humainement, en tête à tête avec ma souffrance, solitaire et voulant l'être, jalousement, égoïstement, comme un tendre petit garçon, bras à bras, comme un adolescent tourmenté et violent, comme un adulte, à lui-même et soudain révélé. C'est ainsi que j'en souffre encore, et ce sera jusqu'à mon dernier jour. La jeune femme heureuse, dont le sourire chaque matin, à l'instant même où j'ouvrais les yeux, illuminait le jour nouveau tous les longs jours de la petite enfance, la dormeuse de Noël, que l'arrivée de son lycéen, dans le petit matin d'hiver, soulevait brusquement sur son lit, me tendant ses bras amaigris et me souriant, la joie aux yeux dans son visage déjà décoloré. « Maman est fatiguée, mais elle va mieux, elle va guérir. » Était-ce donc cette gisante aux yeux clos, cette apparence trop ressemblante et qui mentait, glaçant mes lèvres de ce froid d'objet, de choses absentes et terribles, cette morte? Il y en a des orphelins dans l'œuvre de Maurice Genevoix. Rémi Baudin dans Rémi Desroches est orphelin. Mmh. Pierre Fouque de Rabolio. Pierre Andriane dans La Joie. Flory dans La Forêt Perdue. Et le cerf rouge dans La Dernière Harde aussi. Ouais. Ça, il puise dans son enfance, que ce soit une enfance heureuse ou malheureuse, et la douleur, il puise dans cette enfance tout ce qu'il va pouvoir mettre, justement, toute cette matière pour ses romans. Et les orphelins sont là, bien évidemment. Et c'est de cette façon que, quand on lit l'œuvre de Maurice Genevoix, On peut effectivement le découvrir dans ses romans, même s'il ne se livre qu'à la fin de sa vie, avec La Perpétuité, Un jour et 30 000 jours. Toute son œuvre, c'est lui, mais c'est entre les lignes. Et ce qu'il dit, ce qu'il décrit de ses orphelins, c'est ce qu'il a lui éprouvé à ce moment-là. C'est quoi, c'est de la pudeur selon vous ? Je pense que c'est sûrement de la pudeur, parce que c'est là aussi une époque, de la même façon que quand on a fouillé les archives de famille, on s'est dit qu'on allait peut-être trouver ou des lettres ou des choses un petit peu plus intimes aussi sur ses relations amoureuses. C'était un bel homme, donc il pouvait avoir aussi des conquêtes. Mmh. Et il n'y a rien. Et c'est vrai qu'on oublie que à cette époque-là, il y a aussi de la pudeur, soit vis-à-vis de la tristesse, de la douleur, mais aussi vis-à-vis de ses relations intimes. En tout cas, sa mère, elle n'aura de cesse aussi de l'accompagner, parce que il va la rechercher dans la Loire. La Loire, pour lui, c'est vraiment la figure féminine, et c'est aussi sa mère. Et sur les champs de guerre, il va se raccrocher à une étoile qu'il va regarder. Et cette étoile, pour lui, c'est son étoile protectrice, et c'est sa mère. En revanche, son père, vous avez commencé de le dire tout à l'heure, Aurélie Luneau, ne va pas très bien comprendre le garçon esselé que devient Maurice Genevoix après la mort de sa mère. Non, c'est vrai qu'il ne cherche pas à remplacer l'amour maternel. On sait qu'il était foudroyé par la perte de sa femme qu'il aimait, mais il ne parviendra pas à remplir ce rôle-là, ce vide sentimental, ni auprès de Maurice, ni auprès de son frère et René. Et donc c'est plutôt Adèle, c'est vraiment Clémence Adèle, en tout cas c'est la servante qui est aussi dans les romans de Maurice Genevoix, qui va remplir ce rôle de maman de substitution. Alors vous expliquez qu'il ne se laisse pas abattre, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une forte vitalité, donc il fait beaucoup de sport, il lit beaucoup, il lit à peu près tout ce qui est disponible dans la maison de Châteauneuf-sur-Loire, il a déjà un certain goût pour l'art, et puis son inclination littéraire s'affirme, notamment par des rencontres, et en particulier ce professeur de lettres, Émile Chenin, qui va obtenir le prix Goncourt en 1907, c'est prémonitoire sous le nom Genevoix. De Moselli, d'ailleurs. Voilà, avec Jean des Brebis ou Le Livre de la Misère, un livre qu'on a quand même un peu oublié. Après le bac, c'est la Cagne. Et là, c'est des moments aussi plutôt heureux, Aurélie Luneau. Oui, il est vraiment dans son... Enfin, à la fois, il est dans son univers, mais... Dès la fin donc du lycée, il aurait aimé embrasser le métier de peintre et donc entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Donc il dessine extrêmement bien. Extrêmement bien. Et tout jeune. C'est-à-dire qu'on a retrouvé dans ses cahiers d'écolier des dessins. Alors ça pouvait être un chien, une maison, une théière. Enfin, aussi des exercices sportifs qu'il fascinait. Donc il faisait des dessins pour montrer ce qu'il fallait qu'il fasse chaque jour. Exactement. Il aimait le trapèze. Il a même joué au rugby. Enfin, il était très sportif. Et il aimait dessiner. Il avait un vrai talent. C'est-à-dire que quand on voit la façon dont il a illustré ses bestiaires, c'est quand même lui. Il n'a de cesse, en tant que romancier, écrivain, auteur, de crayonner, de dessiner. Et on retrouve ça en permanence sur ses brouillons, sur ses cahiers. Mais il ne peut pas devenir peintre, parce que dans une famille de la petite bourgeoisie provinciale, on ne devient pas peintre, on devient professeur, on embrasse le métier des lettres et surtout est professeur et on a, on le disait à l'époque, une retraite. Mais il regarde quand même les peintres contemporains. On sait qu'il aime beaucoup les peintres fauvistes et il est très attiré par tout ce milieu-là. Oui, et puis lui-même, donc il connaît bien Vlaminck, il est ami des peintres et ami aussi des sculpteurs, hein, parce qu'il est très proche aussi de Belmondo. Il a des œuvres, donc un Courbet, de la Croix, qui orne les murs de sa maison. Il est proche des peintres et d'ailleurs même lui va commettre des livres ou des préfaces sur ces peintres-là. Et des aquarelles aussi. Et des aquarelles. Alors ce qui est assez incroyable, c'est qu'il peignait beaucoup, mais il détruisait beaucoup. Il a quasiment tout détruit en réalité. Quasiment. Il reste quelques peintures dans la maison d'Evernel, qui est toujours la maison de famille. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup détruit. Et quand on voit son talent, on se dit mais quel dommage. Alors on parlera de ça évidemment. Le service militaire, bon, ça se passe finalement assez simplement pour lui. Quand on a eu l'expérience de l'internat, le service militaire, c'est une formalité. Et puis c'est même plus doux. C'est même plus doux que l'internat. Oui. Et ensuite les années heureuses de la Cagne. L'école, avec ses libres rencontres, ses libres choix, son abondance, ses rehauts, ses contrastes d'individu à individu, ranimait, prolongeait sur un plan différent les enchantements de ma prime jeunesse. Son directeur d'alors, Ernest Lavis, et surtout son secrétaire général, Paul Dupuis, s'ils se souciaient assez de nous pour faire l'effort de nous connaître, s'arrangeaient en tout cas pour ne nous point heurter, ne nous gêner jamais par les assiduités d'une sollicitude indiscrète. Nul empiètement qui pût porter le moindre ombrage. L'un et l'autre savaient ce qui leur était confié. On le leur a quelquefois reproché. L'événement allait bientôt montrer que ce libéralisme généreux, cette confiance qui nous était faite, n'avait été que clairvoyant. On se rappelle ce qui advint. Peu de mois après notre séparation de juillet 1914, d'affreuses coupes sombres avaient clairsemé nos rangs. Si j'évoque notre turne de 1912, mes quatre camarades Hermand, Javal, Bouvier, Guinzette et moi-même, j'y vois bientôt trois morts et deux grands mutilés. Ainsi dans toutes les autres turnes. La Compagnie des œuvres. Mathieu Garrigou-Lagrange. Une lecture par Philippe de Rèze. C'est donc en 1912 que Genevoix entre officiellement à l'école normale supérieure. Il doit y rester 3 ans, Aurélie Luneau. Évidemment, il ne finira pas sa scolarité. Eh oui. Eh oui, parce que la guerre, bien sûr, va tout arrêter. Mais c'est vrai, comme vous disiez, ce sont des années heureuses. Il y a Lucien R, le bibliothécaire, aussi intellectuel, pionnier du socialisme, et qui va remplir un rôle à ses côtés. Et puis Paul Dupuis, ce secrétaire général, qui va sentir tout de suite le potentiel d'écrivain dans la plume de Maurice Genevoix, alors que lui-même ne se projetait pas forcément dans une carrière d'écrivain et de romancier, puisque lui voulait être professeur, et si possible, même dans une université à l'étranger. Et d'ailleurs, donc, il va faire un mémoire présenté sur le réalisme dans les romans de Maupassant. Et puis, il y a cette guerre, effectivement, qui va les embarquer, hein, tous. Il faut quand même rappeler que sur 240 élèves de l'école normale, 120 seront tués et 93 de mémoire blessés. Donc, c'est vraiment une hécatombe pour tous, y compris dans les rangs de ces jeunes gens. Le 31 juillet, il y a une scène assez incroyable qu'il raconte plusieurs fois, mais notamment dans 30 000 jours, et quand il dit qu'il monte en haut du clocher de Châteauneuf avec un cousin. Et il regarde, et il sait que la guerre est imminente, il regarde au loin, il s'empare encore du paysage, de la Loire, et puis c'est le basculement dans un monde qui disparaît en fait. Il sent qu'il y a un avant et un après, et effectivement la guerre va changer beaucoup de choses, bien évidemment. Et le clocher auquel vous faites référence, ça va être très important pour Genevoix, parce que il va avoir à la fin de sa vie, quand il revient justement sur toute la période de son enfance et de sa jeunesse, il va avoir envie d'écrire une série de romans qui seraient racontés à partir d'un clocher de village. au cadran de mon clocher. Mmh. Et puis, c'est sûr qu'il éprouve le besoin de revenir à l'essentiel. Tout simplement parce que, au contact de ces hommes dans les tranchées, il se rend compte aussi que chacun évoque son lieu, ses origines, et souvent le clocher, le village. Et donc, c'est ce lieu central, c'est la symbolique, c'est vraiment, c'est là où on se retrouve tous. C'est bien au-delà du côté religieux ou de, enfin, en tout cas, c'est, lui n'était pas, c'était un homme qui aimait la vie, qui puise la vie dans la mort, ce sursaut de vie, mais c'était aussi un homme libre. Et donc, il ne s'est jamais engagé en politique, il garde une totale liberté aussi par rapport à ses convictions comme ça ou des convictions religieuses. Mais le clocher, c'est vraiment le symbole du rassemblement de ces gens de terroir. Mais à part la foi de l'enfance, dont parle, je crois que c'est Jacques Tassin qui a cette expression, vous avez coécrit la biographie avec lui, à part la foi de l'enfance, est-ce que c'était quelqu'un qui avait la foi ? Il avait certainement une foi, mais pas ce besoin d'investir les églises, d'aller à la messe, pas ce rituel-là. Il ne confie pas ça. C'est-à-dire qu'il a la foi dans l'œuvre de la nature. Pour lui, c'est certainement une œuvre qui appartient à un dieu, mais en tout cas, il n'a pas une foi avérée où on peut pas le taxer d'être un catholique fervent ou en tout cas d'être influencé par par une religion. Alors la guerre de Maurice Genevoix, ça va être d'abord la bataille de la Marne et ensuite Verdun. C'est combien de mois finalement passés sur le front avant la grande blessure ? 25 août 1914, 25 avril 1915. Donc quelques mois où il est jeune sous-lieutenant à la tête donc du 106e régiment d'infanterie et là il a aussi un ami, c'est important d'en parler, c'est Robert Porchon qui lui aussi est un jeune donc ancien du lycée Potier, il a 4 ans de moins que lui et lui aussi jeune officier et tous les deux vont se soutenir mais Porchon sera donc tué le 20 février 1915 aux Éparges et il vit en fait Maurice Genevoix au fil de ces mois-là, à la fois les horreurs de la guerre, bien sûr, et notamment, il y a la bataille de Vaumary, du 9 au 10 septembre, où là, il tue des hommes, mais il n'en parlera qu'après. C'est-à-dire des années après. 1949. C'est-à-dire qu'il a du mal à avouer, à dire qu'il a tué des hommes. Et surtout dans le dos, et c'est ça qui lui pose le plus de problèmes. C'est ça. Et donc c'est lors de cette bataille de Vaumary où finalement ils sont assaillis par des Allemands et lui se retrouve en fait à être derrière ces Allemands-là. Il coiffe un casque allemand et puis bon, ils essaient de s'en sortir les uns les autres, mais et il tue effectivement pour garder la vie. Et puis et donc il en parlera qu'en 1949 quand ces textes seront rassemblés dans ceux de 14. Mais et en février 1915 jusqu'au 25 avril jour de la blessure, c'est les Éparges, 2 mois de bataille. Tout ça sur une seule ligne, 1200 mètres et au total 20 000 morts. 10 000 de chaque côté, 10 000 côté allemand, 10 000 côté français. On en parlera surtout demain dans l'émission spécialement consacrée à la Grande Guerre de Maurice Genevoix. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que après avoir donc échappé à la mort, il est grièvement blessé en avril 1915. Il est réformé, invalide à 70 ou 80%. Et là, il va commencer à publier. On racontera aussi demain dans quelles conditions, mais il faut quand même donner les titres de ces 5 ouvrages qui sont des ouvrages essentiels sur la guerre de 14. C'est Sous Verdun d'abord, Nuit de guerre, Au seuil des Guitounes, La boue et finalement Les Éparges. Les Éparges, c'est assez fantastique parce que toutes les heures quasiment de cette bataille vont être racontées par Maurice Genevoix avec un détail assez incroyable, Aurélie Luneau. Et oui, il fait partie de ces jeunes normaliens auxquels justement Dupuis avait demandé de consigner et d'écrire pour témoigner. Et ils sont rares finalement à avoir pu continuer à le faire. Lui le fera. Malgré les combats, malgré la dureté, il n'abandonne pas et il consigne. Et tous ces textes-là seront publiés entre avril 1916 et septembre 1923. Vous en avez un que vous préférez ? Les Éparges, je crois que tous, de bout en bout, quand on les lit, on plonge dedans et on sent surtout une gradation. C'est peut-être ça qui est important, c'est de sentir qu'il part. C'est vrai qu'il n'a pas forcément peur, mais au fil de ses écrits, on sent qu'il y a aussi un abattement, mais qu'il doit dépasser cet abattement pour être auprès de ses hommes. Et les éparges, c'est l'ultime achèvement peut-être dans l'horreur. Et on sent que là, il revient de loin et il n'hésite pas à témoigner de ses sentiments vis-à-vis de l'arrière aussi, de l'état-major, et il n'est pas tendre. Dès la fin de la guerre, au début de 1919, grièvement mutilé, démoli de surcroît par la grippe espagnole, j'avais rallié la maison paternelle à Châteauneuf-sur-Loire. C'est un gros bourg du Loiret, à quelques kilomètres d'ici. Maison sans autre caractère que d'être devenue notre maison. Nous y avions été heureux, mes parents, mon frère et moi. Nous y avions aussi souffert. Depuis des années déjà, j'y travaillais des heures, quotidiennement. J'y occupais une pièce d'angle, à la fois chambre et bureau, orientée à l'ouest et au midi. Alors déjà, volontairement, je m'astreignais à une discipline de travail que j'ai respectée très longtemps. Elle comportait entre autres une séance de labeur nocturne, dont je retrouve encore le charme étrange, feutré, cerné par le silence de la petite ville endormie. Et dans ce silence, dès le printemps, j'ouvrais toute grande l'une des fenêtres, celle qui s'orientait vers la Loire. La Compagnie des œuvres sur France Culture. Alors, ce qui se passe surtout après la guerre de 14, Aurélie Luneau, avec Genevoix, c'est qu'il va se mettre à écrire véritablement. Ça a pour première conséquence faire qu'il tourne le dos à sa carrière universitaire. Il ne sera pas finalement le professeur qu'il avait rêvé de devenir. Non, et puis sorti de la guerre, il découvre que finalement on demande aux Normaliens qui ont vécu les tranchées de revenir et de passer l'agrégation. Comme et, les autres. Et comme les autres, voilà. Et comme s'il n'y avait pas eu don déjà de soi et bien au-delà. Et lui, il ne peut pas le supporter. Donc il part et puis il accède à la demande de Paul Dupuis. Paul Dupuis lui demande d'écrire. Parce que lui, quand même, a été blessé. Il a passé plusieurs mois dans les hôpitaux entre Dijon, Vittel et Bourges. Et puis finalement, il va laisser la plume. Et c'est finalement l'écriture qui le rend à la vie. Donc il se lance dans l'écriture, mais il n'aura aussi de cesse finalement d'alterner. C'est-à-dire que même si de 1916 à 1923, il écrit ce qui sera in fine ceux de 14, il est aussi dans l'alternance. Donc il va commettre des romans, Rémi Desroches, qui sera salué du prix de la Fondation Florence Blumenthal. Donc finalement c'est... C'est une espèce d'éthique et puis d'hygiène de vie, oui. D'alterner les récits de guerre, se replonger dans l'horreur et en même temps oui. Récits, alors on verra que ce ne sont pas des récits régionalistes, c'est bien plus que ça, mais enfin s'intéresser notamment au terroir et à la vie tout simplement. Voilà, c'est certainement un besoin, ça lui permet d'avancer, de revivre en tout cas, d'être ce survivant qui témoigne. Et malgré tout, même dans ses romans, si on ne connaît pas le passé de Maurice Genevoix, on peut prendre ses romans au pied de la lettre, c'est-à-dire voilà, Rémi Desroches, une crue, et puis donc tout se passe pas forcément dans la guerre, hein, c'est pas raconté en tant que tel, mais on sent que cette crue, c'est aussi la dévastation de la guerre. Donc il continue à témoigner dans des romans, mais c'est certainement une soupape pour lui. Et il devient donc double écrivain. L'écrivain qui témoigne de la guerre et l'écrivain régionaliste. Mmh. C'est le terme que certains emploieront à son égard. Mais alors qu'en est-il de sa vie privée? Parce qu'il rentre assez jeune de la guerre, il va vivre avec son père. On a bien vu que bon, ils s'entendaient bien, mais qu'ils ne se comprenaient pas. Le père, non seulement ne comprenait pas l'artiste et l'écrivain, il aurait préféré sans doute qu'il soit pharmacien, comme on l'était médecin beaucoup même, oui. Dans la famille. Oui. Il ne comprenait pas non plus probablement ce que c'était que de revenir de l'horreur des tranchées. Et pourtant, ils vont vivre quand même ensemble pendant plusieurs années. Est-ce que vous avez cherché aussi de ce côté-là, dans vous cette période-là, finalement, de la vie de Maurice Genevoix, ce qui a bien pu se passer? Non, on n'a pas de détails, ni sur ses relations avec son père à ce moment-là, ni sur son frère, d'ailleurs, René, il en parle très peu. mais est-ce qu'ils ne se comprenaient pas? Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire cela de cette façon-là. En tout cas, son père était très inquiet tout au long de la guerre, puisqu'il allait de temps en temps avec son frère, donc le petit frère de Maurice Genevoix, voir Paul Dupuis à Paris pour avoir des nouvelles, parce qu'il savait que Maurice Genevoix échangeait énormément de lettres avec Paul Dupuis. Avec Paul Dupuis, Genevoix a vraiment raconté. On peut d'ailleurs acheter la correspondance, exactement, à la table ronde. Mais en tout cas, voilà, ces échanges de lettres sont magnifiques. Et il disait à Paul Dupuis qu'il ne pouvait pas dire à son père parce qu'il ne voulait pas inquiéter son père. Mais son père a été le premier avec Paul Dupuis à aller dans les hôpitaux pour retrouver le fils. Donc je pense qu'il y avait quand même un attachement, mais une difficulté du père à dire peut-être ou à exprimer ses sentiments. En tout cas, pour Genevoix, il n'a plus de mère et pour lui, c'est important de vivre avec son père. Et même après, quand il trouvera la maison de ses rêves en 1926, au Vernel, il fera en sorte de l'aménager pour que son père vienne vivre avec lui. Mais en 1928, son père meurt. Donc voilà, ils n'auront pas la possibilité de vivre dans la maison de Genevoix cette fois-ci, mais tous les deux. Mais il n'y a pas de traces, effectivement, laissées là, peut-être encore une pudeur. Alors s'il a pu s'acheter cette maison, c'est parce que sa carrière littéraire a pris un tournant très favorable. On a parlé de lui beaucoup pour le prix Goncourt. Au fur et à mesure que ses romans sortaient dans la première moitié des années 20. Et puis un jour, ça arrive, c'est en 1925, et c'est avec ce roman qui s'appelle Rabolio, l'histoire d'un braconnier solonio, à la fois traqué mais libre. Alors c'est vrai qu'on peut dire que tout au long de sa vie, et aujourd'hui encore, hein, Maurice Genevoix est obligé d'attendre. Alors là, il va attendre un an la panthéonisation, mais il a attendu également le prix Goncourt, puisque le Goncourt, on parlait de lui pour 1916, et puis finalement, c'est Barbus qui va le remporter avec Le Feu. Ensuite, on parle à nouveau pour Rémy Desroches d'impossible Goncourt. Et puis là encore, il laisse passer et c'est Henri Béraud qui aura le grand prix. Et il faut attendre Rabolio. Donc Rabolio, décembre 1925. Et c'est intéressant parce qu'on lui dit, en fait, son éditeur le prévient en lui disant viens à Paris, il y a des bonnes chances. Et donc lui se met dans un restaurant, pour la petite anecdote, face à Drouan. Et il attend. Et on l'a oublié, en fait. Et on l'a oublié, c'est-à-dire que lui est là avec deux membres de sa famille, il n'osait pas manger, il pistait en permanence la porte du restaurant s'ouvrant sur des visiteurs, mais pas sur son éditeur. Et puis finalement, Louis Brun de Grasset entre et tout étonné, et réalisant que Genevoix ne sait même pas que depuis une heure, tout Paris sait que Maurice Genevoix a le prix Goncourt. Mais donc à partir de Rabolio, Aurélie Luneau, ça devient un écrivain populaire qui va publier beaucoup. On va voir qu'il va entrer à l'Académie française. On peut dire que sa carrière, elle est véritablement lancée et qu'elle ne s'arrêtera plus d'une certaine manière. Oui, c'est vrai qu'il va beaucoup publier. Rabolio sera même adapté au cinéma en 1945, en 72, en 2007, trois fois. Donc c'est un auteur à succès, mais c'est un auteur qui en permanence sera traité aussi. Il va pâtir un petit peu de cette étiquette d'écrivain régionaliste. Certains parleront de lui aussi comme un écrivain des mulots. Vous voyez, donc c'était pas toujours très très très gentil, mais il faut quand même reconnaître que tous les grandes plumes de cette époque saluent le travail et l'écriture de Maurice Genevoix. Parce que Maurice Genevoix, il écrit comme un peintre. Et donc, il a cette capacité de page en page de faire émerger dans nos têtes et dans nos esprits le tableau tel qu'il est, avec les couleurs, avec les traits fins de cette nature qu'il veut nous rendre. Donc cet homme qui aurait pu être peintre, qui aurait pu, avons-nous fabulé un peu, qui aurait pu être un homme politique, était d'abord un écrivain. Et qui avait à sa disposition une langue qui était un peu à son image, très drue, très simple, très riche, et qui touchait beaucoup tous ceux qui le lisaient. Je ne pense pas que Maurice Genevoix était un de ces créateurs de personnages à la façon de Balzac ou de tels romanciers qui créent des personnages inoubliables. C'était plutôt un écrivain qui collait à ce qu'il écrivait, où on le retrouvait, n'est-ce pas? On le retrouvait non seulement dans 30 000 jours ou dans Un jour ou dans des récits plus ou moins autobiographiques comme L'Orlaï, on le retrouvait aussi quand il parlait de la campagne, de la nature ou de la guerre. Ce n'est donc pas un créateur de mythes c'est plutôt un témoin du monde autour de lui et de lui-même. Jean d'Ormesson, interrogé par Roger Vrigny, vous êtes d'accord avec ça? Aurélie Luneau, ce n'était pas un créateur de personnages, ce n'était pas un créateur de mix, ce n'était pas un Balzac, finalement. Non, il se nourrissait aussi de la vie, de ce qui existait. C'est-à-dire qu'avant de commettre ses romans, il passait énormément de temps en documentaliste. Donc il fouillait les archives, il fouillait la presse de l'époque. Par exemple, pour Rabolio, il est allé voir dans toute la presse, il est allé questionner, interroger des gens qui, justement, étaient soit des chasseurs, soit des... En tout cas, de cet univers-là. Il a même attendu en vain des braconniers, ouais, mais on racontera peut-être ça mercredi prochain. Voilà, et donc... En faisant tout ce travail de documentariste, il se nourrissait de ce qui existait pour ensuite restituer ses personnages dans ses romans. Alors, quelques titres de livres qu'on peut citer de cette époque. L'Assassin, La boîte à pêche, il aimait beaucoup pêche. La pêche, oui. Et puis en 1931, il publie ce qu'il considère comme son roman le plus réussi, ou son roman préféré peut-être, c'est Roux, et c'est l'histoire de son chat qu'il avait apporté avec lui, qu'il avait amené au Vernel. Exact. Ce chat, Maurice Genevoix, en fait, par rapport à Roux, disait « Madame Bovary, c'est Flaubert ». Comme Julien Sorel, c'est Stendhal. Et comme Le Vieil Homme et la Mer, donc, c'est Hemingway. Donc, Roux, c'est moi, Roux, c'est ça qu'il peut c'est dire. Moi. Et il le dit parce que, en fait, ce chat, au-delà du fait que, voilà, c'est l'histoire de ce chat qui ensuite s'échappe et repart au Vernel, hein. Il l'avait emmené un été dans sa maison nouvellement acquise. Et puis ensuite, il est revenu à Châteauneuf-sur-Loire avec sa, donc, sa servante, en tout cas, celle qui. Son employé de maison, tout simplement. Et puis, le chat décide de repartir tout seul au Vernel. Et là, il est happé par la nature. Mais des mois et des mois après, le chat revient et complètement estropié, blessé. Il a été pris dans un piège. Et pour Genevoix, c'est à nouveau la guerre. C'est-à-dire que ce chat, c'est lui blessé par 3 balles et qui perd en partie donc la mobilité de son bras. Ce chat, c'est lui, de par aussi son instinct de vie et aussi la liberté. Donc Maurice Genevoix, c'est vraiment un homme qui salue aussi la liberté, qui se sent libre à tout point de vue. Donc un roman très très important, 1931, oui. Alors on l'a pas dit, mais il y a eu un mariage aussi en 1937. Il est déjà un petit peu âgé, il a 47 ans. Oui. Et là, c'est une nouvelle fois une tragédie, puisque c'est un mariage qui ne va durer que 2 années. Oui. Même pas. Marié donc le 25 août 1937 et puis le 9 novembre 1938, sa femme meurt. Donc c'est Yvonne Monrosier qui était médecin scolaire installée dans le Loiret. Elle était originaire de l'Aveyron, de Saint-Victor-et-Melvieux. Et donc c'est un mariage d'amour. Et c'est vrai qu'à nouveau, la mort frappe. Et cette femme, en fait, souffrait d'une faiblesse de cœur. Et donc, elle meurt de cette maladie de cœur. Même si on sait aujourd'hui qu'elle avait prévenu à Maurice Genevoix avant de se marier de cette faiblesse-là. Et lui, il l'aimait, bien évidemment, au-delà de la maladie. Mais la mort frappe. Et donc, il va à nouveau subir... Ça se ressent dans son œuvre, c'est-à-dire ces moments un peu de déprime, de dépression et puis de sursaut. Et notamment dans Un jour, où il fait dire à son personnage de Hobel, heureux, oui, nous l'avons été, en parlant évidemment de la relation qu'il transpose de lui avec sa femme. Et puis il dit, je suis resté jeune, aussi longtemps que sa vie et la mienne se sont simplement confondues, moi qui n'étais, quand je l'ai épousé, déjà plus un jeune homme. Oui. Même plus un jeune homme du tout. C'est ça. C'est en fait, il se marie en étant déjà un homme d'un certain âge. Et puis d'ailleurs, quand il aura sa fille Sylvie, il aura 53 ans. Donc c'est vrai donc qu'il a l'âge d'être grand-père. Presque grand-père. Exactement. Il se remarie donc en 1943 avec cette fois Suzanne Nérol. Là, c'est sous l'occupation. Oui. Suzanne Nérol a déjà une fille et donc il en aura une autre, la petite Sylvie Genevoix. Ces moments de l'occupation, c'est quand même le retour de la guerre dans la vie de Genevoix. Évidemment, il n'a pas la place qu'il a eue pendant la première, mais comment est-ce qu'il vit ces années-là ? Mais il est meurtri. Il est meurtri parce que pour lui, la guerre, et puis voir l'Allemagne vaincre la France, c'est comme si ceux qui étaient tombés à ses côtés étaient tombés pour rien. Et d'ailleurs, Paul Dupuis, qui avait des lettres... Le secrétaire général de l'ENS, qui a beaucoup aidé à l'époque tous ses élèves qui étaient partis sur le front. Exact, et qui était donc à ses côtés et qui avait demandé à ses élèves de témoigner. Il va détruire la plupart des lettres de ses élèves, meurtris aussi à l'image de Maurice Genevoix. Il ne gardera que les lettres échangées avec Maurice Genevoix et avec un autre normalien. Et donc, il est à la fois meurtri, mais il est en colère. Alors lui, de par son invalidité, ne peut pas prendre part à la guerre, sinon il en aurait été. Et donc il se réfugie en Aveyron, parce que la France à l'époque est coupée en deux, hein, la France libre et puis la France occupée, donc il va côté France libre en Aveyron, à Saint-Victor-et-Melvieux, d'où était originaire sa première femme. Et là donc il occupe une petite maison dans la cour de l'hôtel de ses beaux-parents. Et l'écriture lui est un exutoire. Et on ne s'attendait pas forcément dans ces notes des temps humiliés, c'est un journal qu'il a tenu. Alors ça, c'est un journal que vous avez justement retrouvé et que vous publiez en annexe, pourrait-on dire, de votre biographie, et qui raconte finalement ces années de guerre. Alors pas toute la guerre, hein, parce qu'à un moment donné, il s'arrête de prendre des notes. C'est comme si finalement le journal ne l'intéressait plus tout d'un coup, Aurélie Dunay. Oui, en fait, il tient ce journal de mai 1941 à novembre 1942. Alors il faut dire que nous, on l'a pas retrouvé comme un document perdu dans les archives de famille. C'est-à-dire, il était dans les archives de famille, il existait, et Sylvie, sa fille avait déjà fait une transcription estimant certainement qu'il y avait là un matériau à publier. Et puis ce document n'est jamais sorti finalement de la maison d'Evernel. Et Julien Larrère-Genevoix nous l'a confié, et en nous demandant effectivement aussi qu'on donne notre avis, notre sentiment. Moi j'ai découvert un document incroyable, c'est-à-dire c'est la plume... première, c'est vraiment le coup de sang, c'est pas du tout Maurice Genevoix romancier. Donc c'est lui, dans toute son entièreté, et face à Vichy, et face à la collaboration qui le rend malade. Hein. Donc c'est un document aussi dans lequel il cite des gens, et il cite des auteurs, et des écrivains, et des artistes, et dont d'ailleurs Vlaminck, et dont Henri de Monterland. Et est-ce que potentiellement après-guerre, quand justement le général de Gaulle et ceux qui reviennent au pouvoir décident quand même de reconstruire cette France et de l'unifier et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'acrimonie, peut-être que lui a pu penser aussi que ce document allait à nouveau faire ressortir des rancœurs. Donc, mais c'est un document à vif et qui nous montre ce Maurice Genevoix pas du tout vigiste et pas du tout pro-collaboration, c'est sûr. Mais je n'étais pas de ceux qui se disaient « à 25 ans, j'ai écrit mon premier roman, à 30 ans, j'ai le prix Goncourt, à 35 ans, etc. » Oui, le jeu de loi, quoi. Il se dit « oui, je serai député et puis ministre. » Non, ça, c'est tout à fait l'opposé de ma nature. Je m'en fous. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand, après les vacances, vous savez, pendant 5 ou 6 ans, il n'y a pas eu d'élection à l'Académie, pendant toute l'occupation. Alors, il y a eu vraiment beaucoup de fauteuils à pourvoir. Alors, ces messieurs, les survivants, ont dit, on pourrait peut-être penser parmi les écrivains contemporains. J'avais des lecteurs et des amis à l'Académie qui m'ont dit, Genevoix, c'est le moment, il faut vous présenter. Alors, ça plaît peut-être quelquefois aux écrivains, toujours à leurs femmes. Et je me suis dit, bon, ben, je me laisse aller, je me présente. Et je me suis présenté, j'ai été élu. Et voilà, et alors, de fil en aiguille, si j'ose dire, eh bien, j'ai été accroché. Et le secrétaire perpétuel pendant 15 voilà, ans. Voilà, oui, mais la même chose. En arrivant à l'Académie, je ne me suis pas dit une seconde, j'en serai le secrétaire perpétuel. Absolument pas. Ce serait trop long à vous raconter, d'ailleurs insignifiant. Mais je vous assure que c'est la force même des choses, et l'esprit de camaraderie, l'estime mutuelle d'un confrère à l'autre. Sur France Culture, donc on a cet écrivain retiré, écrivant dans son bureau face à sa fenêtre qui donne sur la Loire, et tout d'un coup le revoilà à Paris, Quai Conti, Qu'est-ce qui s'est passé là, Aurélie Luneau? Il y a un changement de vie total? Il est devenu parisien? Non, je pense qu'il accède aussi aux envies de sa jeune femme, hein, Suzanne Hérol, qui a quand même 20 ans de moins que lui. Et c'est vrai que Suzanne Hérol aime la vie, aime la ville et Paris. Et donc, il postule à l'Académie française. Alors, là encore, il doit attendre quand même, parce qu'il postule au fauteuil de l'historien Louis Gillet en novembre 44. Et puis, non, il laisse la place à Paul Claudel, à Marcel Pagnol. Donc, il y a un certain nombre de lettres que vous reproduisez, ouais, qui racontent ça dans, voilà, votre livre. Voilà, exactement. Et puis finalement, il attend, 24 octobre 1946, où là, il est élu au fauteuil 34, hein, celui de Joseph de Pesquidou. Et c'est cette vie qui commence. Alors, tant qu'il est académicien, il faut qu'il se rende le jeudi à Paris. Donc, il continue quand même à vivre au Vernel, près de la Loire. Et puis, à partir du moment où il devient secrétaire perpétuel en 1958, là, ce n'est plus possible. Donc, il devient parisien, il devient citadin. C'est pas ce qui le réjouit. Il écrit moins, du coup? Il écrit moins, mais il continue à écrire durant les moments de vacances, durant les week-ends, enfin, tout moment libre en dehors de ce secrétariat perpétuel. Il l'occupe vraiment à l'écriture en permanence. Alors, vous racontez qu'il a réussi à faire entrer Paul Morand à l'Académie. C'est un peu étonnant parce que Paul Morand était, comme on le sait, pétainiste. Oui. Et vous l'avez dit à l'instant, Aurélie Luneau, Genevoix, était plutôt, même totalement, anti-pétainiste. Mmh. C'est quoi? C'est un hommage à l'écrivain d'avant-guerre qu'il veut ici faire à Morand. Oui, et de la même façon avec Henri de Monterland, c'est-à-dire que une fois à l'Académie et secrétaire perpétuel, il dépasse tout ça. Donc c'est un rassembleur alors. C'est plutôt un rassembleur. Et lui, il va regarder l'œuvre, ce que ces hommes, ces écrivains ont laissé, et il passe au-delà effectivement de ce qu'ils ont pu penser ou écrire durant cette période de la Seconde Guerre mondiale, malgré les notes des temps humiliés qu'il nous laisse, hein, et qui sont vraiment aux antipodes. Mmh. Mais voilà, il a cette force-là. Est-ce que c'est l'humaniste? Est-ce que c'est celui qui a envie aussi de faire avancer les choses? Il met du temps aussi à convaincre De Gaulle, hein, pour accepter ce genre de nomination, enfin de candidat. Mais c'est vrai qu'il a un esprit quand même libre, on disait, et puis humaniste véritablement. Alors 16 ans, secrétaire perpétuel de l'Académie. Est-ce qu'il a un bilan à l'Académie, à part ces écrivains dont on a parlé à l'instant? Il s'était un farouche défenseur de la langue française. Il s'implique beaucoup à la commission du dictionnaire. Il a été, comme vous disiez, ce rassembleur. Il a laissé des collègues, des écrivains, des académiciens autour de lui, qui, au moment où il décide de quitter ce fauteuil, hein, enfin cette place de secrétaire perpétuel, en sont navrés parce que visiblement il remplissait un rôle de rassembleur, mais voilà, c'est aussi une vie à écrire des discours, c'est très administratif, c'est une vie accaparante, et il avait besoin de retrouver sa liberté totale pour écrire, et surtout il commençait à penser à ses livres aussi qu'il voulait écrire et laisser, ses livres autobiographiques. Et puis alors il y a toujours évidemment l'ombre de la Grande Guerre, même sur ces dernières années, puisque jusque dans les années 70, on sent que la manière dont on parle des anciens combattants, par exemple, n'est pas ce qu'ils considèrent qu'elle devrait être. On les méprise un petit peu, finalement, ces anciens combattants. Et puis, ils se sont jamais réintégrés totalement non plus, parce qu'on a eu peur d'eux, ces gens qui ont tué d'autres personnes. Alors, pour la France, mais quand même, ils ont fait cet acte dont on ne revient pas indemne. Et donc, il y a aussi cette idée qu'il restera toujours à part, lui et ceux qui l'ont accompagné dans les tranchées. Il s'inquiète de l'oubli. Et c'est vrai que dès qu'il peut, dans ses discours, il met en scène en permanence ses camarades et ce que justement la France doit à ceux qui sont tombés sur les champs de bataille, parce qu'il sent qu'il y a aussi un tournant. Il vit mai 68. Alors c'est un homme qui va être un peu déconnecté, hein, de ce mai 68. Il va pas bien comprendre. Il est déjà âgé aussi. Il est déjà âgé, voilà. Mais à la fois, il comprend pas bien ce mouvement de ces jeunes qu'il trouve peut-être bercé un petit peu trop dans les richesses, et donc il est en décalage. Il comprend pas non plus les années yéyé, hein. C'est vrai que pour lui, Johnny Hallyday, enfin toutes ces stars du moment ne seront que stars d'un moment. Il en est persuadé. Donc lui, c'est Brassens, ces valeurs là, et en même temps, il est de tous les plateaux télé, de toutes les émissions radio. Ah ben, bah, il adore Jacques Chancel. Ah, mais incroyable. Et Jacques Chancel l'adore, oui, surtout. Même plutôt dans ce sens-là. Voilà. Et donc, même Jacques Chancel avait prévu au moins 4 ou 5 émissions à faire avec lui après septembre 1980, mais Maurice Genevoix décède. Il est invité partout parce qu'il est truculent et qu'il a de l'humour et on aime ça aussi sur les plateaux. Il y a un message de Maurice Genevoix, selon vous, Aurélie Luneau? Je dirais c'est vraiment le la vie est belle. Je crois que c'est ça. Et ça, il ne s'en rend compte que parce qu'il a frôlé la mort et qu'il est en sursis depuis avril 1915. Depuis le décès de sa mère, je dirais. C'est vraiment la perte des êtres aimés, donc sa mère et puis ensuite les camarades. Et tout ça, pour lui, la vie, puis la vie, il la célèbre aussi dans la nature. Ça a été un défenseur de l'environnement. Premier écologiste de France, disait-on à l'époque, et ça on l'a oublié. Mais ça donne envie d'écouter votre émission dimanche prochain à 16h, de Cause à effet, le magazine de l'environnement de France Culture. Merci beaucoup Aurélie Luneau. Je rappelle votre biographie, c'est la première sur Maurice Genevoix. Elle vient de paraître aux éditions Flammarion. Et tout de suite sur France Culture, on retrouve En compagnie des revues. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues avec aujourd'hui Ilan Ferry du magazine Lire. Bonjour Ilan. Bonjour. Vous venez nous parler aujourd'hui d'un hors-série exceptionnel de Lire consacré à Stephen King. Oui, tout à fait. À l'occasion des récentes sorties de Ça, chapitre 2 et de Dr. Sleep, Lire a voulu se pencher sur le cas de l'indétrônable Stephen King qui règne en main de maître sur la littérature fantastique depuis plus de 40 ans. Donc c'est un auteur culte avec son univers, ses obsessions, et nous avons dû décrypter dans des thématiques regorgeant d'informations et d'anecdotes qui est Stephen King. Par exemple, est-ce que vous saviez que Stephen King a peur du chiffre 13? Oui, mais parce que j'ai lu votre dossier. Ah bah voilà. Et donc vous savez aussi que c'est un grand fan de Michel Houellebecq. Bah oui, parce que j'ai lu votre dossier. Voilà, tout ça. Donc voilà, on a essayé de décrypter le phénomène Stephen King, à savoir que Stephen King, c'est quand même plus d'une centaine de romans et de nouvelles et presque autant d'adaptations. Et c'est un décompte qui est loin de s'arrêter puisque l'auteur continue à écrire des romans à vitesse métronomique. Alors, est-ce que c'est une manière d'accéder à l'immortalité? Ça, les paris sont ouverts. Donc plus qu'un auteur incontournable, il s'est devenu une véritable figure de la culture populaire qui n'a cessé d'alimenter nos peurs les plus profondes à travers une bibliographie et des personnages tous plus emblématiques les uns que les autres. Aujourd'hui, impossible d'oublier Gripsou le clown dévoreur d'enfants, Annie Wilkes, l'infirmière casse-pied de Misery, ou encore Jack Torrance qui avait été interprété par Jack Nicholson dans Shining. Justement, Shining de Stanley Kubrick, dont Dr. Sleep, qui est aujourd'hui en salle, et la suite, reste l'adaptation la plus mal aimée de Stephen King. C'est un euphémisme. Pourquoi? Parce que, justement, l'auteur a très rapidement intéressé le grand et le petit écran, dès 1978, à Carrie et le bel du diable, ce qui a donné lieu à un certain nombre d'adaptations plus ou moins bonnes. Plutôt moins bonnes que bonnes. Alors pourquoi les œuvres de Stephen King sont si compliquées à adapter et quelles sont celles qui sortent du lot? C'est ce que nous avons essayé de comprendre justement à travers toute une partie qui est consacrée au rapport amour-haine entre l'auteur et les médiums à la fois télévisuels et cinématographiques. Vous avez fouillé pour ce faire dans vos archives en exhumant notamment un portrait de Pierre Assouline. Oui, tout à fait. Oui. Alors c'est la grande surprise de ce numéro spécial qui fait le pont entre Pierre Assouline, prix Goncourt, et Stephen King, auteur populaire. Pierre Assouline qui en 1990 avait consacré un très long portrait à l'auteur, lui aussi regorgeant d'informations, d'anecdotes en tout genre. Alors une cerise sur le gâteau peut-être pour terminer? Oui, alors la cerise sur le gâteau, c'est un extrait exclusif de L'Institut, le nouveau roman de Stephen King qui sort en février 2020 chez Albin Michel. Merci beaucoup Ilan Ferry, hors série Stephen King, c'est 82 pages consacrées à l'écrivain américain, d'ores et déjà disponible en kiosque. C'était la Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Clément Daté. Demain, on continue de parler de Maurice Genevoix en nous arrêtant sur la période de la Grande Guerre et sur la somme de ceux de 14. Nous serons pour ce faire en compagnie de Michel Bernard.